In the dialogue, you heard the word brioche in the plural as des brioches. Some brioche. Using the word des, say these words in the plural. Par exemple, une brioche, des brioches. Maintenant, c'est à vous. Yes, it's your turn. After the pause, you'll hear the correct answer. Une orange. Des oranges. Une valise. Des valises. Une chambre. Des chambres. Un passeport. Des passeports. Un croissant. Des croissants.